sur place ou sur notre site Internet. Pour obtenir les détails et l'horaire des films, rendez-vous au clap.ca. Cette soirée vous est présentée par La Barberie. Hi. Bonsoir et bienvenue à l'émission Terra Incognita. Vous êtes en compagnie ce soir de Bruno Côté à la mise en onde, Marc Chaunet à l'animation et au choix musical. Alors, cette émission, comme vous le savez, et pour ceux qui se joindraient à nous, consacrée aux nouveautés rock progressif. Et on a quelques nouveautés pour vous ce soir. On parlera également de quelques-uns des bons disques qui sont parus en 2014. Puisque en arrivant à la fin de l'année comme ça, on fait une petite compilation là, de nos meilleurs disques. Alors, on a d'abord un des disques que la plupart des gens qui fera partie probablement de votre liste des albums préférés pour plusieurs. En fait, il faut aimer le style, mais c'est Björn Riis, qui est le guitariste de Airbag. Lullabies in a Car Crash. Au début, quand je l'ai entendu, là, je trouvais que ça ressemblait pas mal, un peu trop à Pink Floyd. On en parlait l'autre fois avec Michel, mais finalement, non. Franchement, si vous êtes amateur de Porcupine Tree, moi, je trouve que c'est plus, en fait, que ça va plus dans l'ambiance de Porcupine Tree. Il y a une pièce qui fait un peu David Gilmour en solo, hein, puisque bon, il y a des références un peu au jeu de guitare de Gilmour dans ça. Mais c'est un excellent disque, franchement, une belle réussite pour son premier album Björn Riis. On aura la pièce Stay Calm. On a également le nouveau gang, Michel, on en a parlé l'autre jour, puis j'ai reçu ma copie. Excellent, on se croirait en fait dans la période de Angel's Egg en 73, 74. 72, 73, plus dans ces époques-là, réellement, c'est spécial. David Allen, qui a 75 ans, avec une équipe de jeunes, des musiciens que je connaissais pas. Il y a également Shakti Yoni, Dingo Virgin, c'est la dernière pièce, qui est une longue pièce instrumentale planante. Là, on ira sur la pièce Pixelation, mais tout d'abord, Alex Carpani, de son plus récent album, Four Destinies. Carpani, c'est son troisième disque. Il était venu à la convention Terra Incognita en 2012. Il avait ouvert la journée du dimanche. Et puis, ce qui m'avait attiré de cet album-là, il y a David Jackson de Vandergraaf Generator qui joue sur toutes les pièces. Et ils ont fait une tournée aussi en Italie, puis tout ça. Donc, Alex Carpani, on ira d'une excellente pièce de son plus récent album, la pièce Time Spiral. Ce qui est spécial, c'est que c'est enchanté. La moitié en anglais, la moitié en italien. Alors, c'est la première fois qu'il fait ça. Puis c'est comme ça sur les quatre pièces. Alors, donc, Alex Carpani, ensuite Björn Riis et Gong. think I put my legs into the rear wheel till the blue and icy water hits my muscles, and my skin is getting white and hard like marble, a caress which I now feel deep in my bones. Thank you. Did your father give you hell? Did your mother try to break you down? Did they mess up your head and tighten the strings attached to your bones? Don't you want to believe that you can see the sky from here? And you can have it all as long as you're playing the game. Get a new life, get a better job and a faster car. Get a TV that'll cover your wall. It'll numb your pain and raise your mind. C'est le Norvégien Bjørn Riis, tiré de son plus récent et premier album Lullabies in a Car Crash. Et c'était la pièce Stay Calm. Et juste avant, ben, ce qui avait débuté, c'est l'excellent nouvel album de Alex Carpani, Four Destinies. C'était la pièce Time Spiral. Alors, je voulais vous parler de spectacle. Demain, ne manquez pas Carl Palmer en Legacy, ELP Legacy. Ça, c'est un spectacle spécial avec son en trio. Et la basse et la guitare se partagent les mélodies de clavier et de voix. Alors, c'est à voir et à entendre. Donc, à l'Impérial de Québec, demain, le 30 novembre, Carl Palmer Legacy et Adrian Bilou également, Power Trio, qui s'en vient le 13 décembre à la salle Sylvain Lelièvre. Les billets sont en vente sur Billettech. Alors, on va à la pause et au retour, comme je vous avais dit, il y a Gong. Il y aura également un extrait de Decameron, qui est une composition de Lalo Hubert et Steve Unruh. Lalo Hubert de Nexus. Et également une pièce du groupe Green Wall de leur nouvel album. Alors, on y va en pause et on revient en musique. Cette soirée vous est présentée par La Barberie. Hi. Dix bières bouteilles, huit bières en fût. Un service casque et un Randall. La Barberie vous propose ses bières et tapas, les bières fromage, les dimanches stout et les mardis apportez vos vinyles et encore plus. La Barberie, 310 rue Saint-Roch, suivez-nous sur Facebook. Aimez la page Facebook du Triplex Suspendu et courez la chance de gagner une soirée VIP pour deux. Je t'en dis pas plus car c'est complètement fou, délicieux et déshydratant. Pas game, vas-y, cours le risque. Aime Facebook, le Triplex Suspendu, l'endroit idéal pour les parties de Noël et les parties de bureau. Depuis 2008, la mesure Première Ovation aide les talents émergents de Québec en leur donnant les moyens de créer, de profiter d'encadrement et de vivre leurs premières expériences professionnelles. Couvrant 8 disciplines artistiques, les actions de Première Ovation contribuent également à une meilleure diffusion des créateurs et favorisent l'accès aux spectacles de la relève. Découvrez les programmes offerts sur premièreovation.com. Première Ovation vous invite à découvrir les artistes émergents de Québec. Du 18 novembre au 6 décembre, Premier Acte présente « Mes enfants n'ont pas peur du noir », un texte de Jean-Denis Baudouin, mis en scène par Édith Patnaud. Visitez premièreovation.com pour en apprendre plus. Of the planet and the people you know yourself. We are pixies of the green world, gnome and the grubbers and the elf. We live deep in the forest with the birch and the elm and the oak. We are utterly invisible, but what we really love is a joke. What you think about can happen if you think about it most of the time. We all want a planet that's a proper place to live, not the victim of an horrible crime. You don't understand that a river's not a gutter, and the river is the blood through the rain. Poison in the soil is poison in your body, and we're dying of the acid in the rain. So we're coming back like human beings, and we look quite a bit like you. We'll dance and sing and make you grin, then you'll know who we are when we do. You don't even know if the earth is your body and the ocean's a part of your brain. We don't understand why you want to kill each other if you haven't gone insane. So we're coming back like human beings, and we look quite a bit like you. We'll dance and sing and make you grin, then you'll know who we are when we do. You can do it, you can do it, you can do it, you know you can do it. You can do it, you know you can do it, and then you get together. Thank you. this picture. Drunkard, victim, lover, thief, to break apart this riddle. Cos'è questa sensazione e questo sangue che se ne va? Cos'è che pulsa all'indietro? Cosa si chiude e regredisce? Non c'è casa senza corpo, albergo, finestra del delirio che non abbia sangue né aria. Non si può respirare gelatina e vivere di bollicine. Guardando sott'acqua con occhi sottomarini, nuotando per raggiungere i nostri miraggi, non so cosa ci sia più in alto, i vetri smerigliati e l'organo di una chiesa, le loro ombre tagnenti come i vetri di una bottiglia che si rompe. all'altro del paradiso, un teletrotto che corre e grida, e mira al guardiano che le stringe, e ora sono morte la sua faccia. Andate fedeli al tempio della bonanza, più alto che io sono fra voi. Guardate fedeli all'angolo del paradiso, tutte le porte della torre antica, e dite al guardiano che le stringe, che ora sono buone le sue braccia. Andate fedeli al tempio della bonanza, più alto di uno solo tra voi. sia si sposa col mare, la mia mente si arresta nel grido, è come un gabbiano cieco, perde negli occhi i colori e la felicità. C'était le groupe italien Green Wall. C'est tiré de leur album qui est paru cette année, un peu plus tôt, il y a peut-être 2 mois. Zappa, Zippa, Zupa, Zeppa. Et c'est un projet éclectique. Alors, c'est un disque où il y a un CD musical et un DVD. Et c'est un projet donc de Andrea Pavoni, Alfredo De Dono, Michela Botti et Fabio Tiliberti. Et donc, c'est pas que du rock progressif, c'est assez éclectique, comme je le disais, musique du monde mélangée avec le rock. Un bon disque de Green Wall. Et juste avant, on avait eu, c'est sur Decameron, alors c'est 4 CD avec un paquet d'artistes et des collaborations spéciales, dont cette collaboration entre Lalo Hubert, le clavieriste de Nexus, et également le groupe The Samurai of Prague avec Steve Unruh. Et il y a Marco Bernard qui est derrière ces projets-là et qui joue sur cette pièce, donc qui était la pièce de Sleeping Lover sur Decameron Part 2. C'était le groupe Ocean Legion. Alors, bon, on vous parlait des spectacles qui s'en viennent, donc Carl Palmer demain. Il y a le magazine Terra Incognita qui vient tout juste de sortir, le numéro 40. Et il y a des entrevues dans ça avec Fabio Zuffanti, Bjorn Riis, justement, Anecdoten. Comme vous le savez, Anecdoten seront à Québec après plusieurs années d'absence. Au Centre d'art de la Chapelle, donc pour la convention Terra Incognita 2015, et ils seront là donc le samedi, le 16 mai, et il y aura également des Defense of Scotland qui ouvriront cette journée-là, et le dimanche, ben, les groupes ne sont pas encore annoncés, si ce n'est de Frog Café qui débute, qui fait le premier groupe d'ouverture le dimanche. Mais procurez-vous des billets, parce que ben, je pense que évidemment Michel va toujours nous concocter un super programme, et on peut lui faire confiance. D'ailleurs, il parle beaucoup dans le dernier numéro de la Convention Terra Incognita 2014 et également des 10 ans du festival avec un paquet d'anecdotes. Il y a une entrevue avec Shylock. Hein, je sais que Bruno il aimait bien l'album de Shylock, qui est un groupe des années 70. Alors, j'ai pas eu le temps de tout le lire encore, mais il y a plein de bonnes chroniques. Il parle de groupes québécois aussi. Deep Project. Hein, donc, une entrevue avec Deep Project et un paquet de chroniques. Et il parle également du livre de Steve Babb de Glasshammer. On parlait des albums de l'année. Moi, je pense que Glasshammer, c'est un des albums, moi, que je trouve un des bons disques de 2014. On a eu la chance de les voir au festival Terra Incognita en plus. Alors, vraiment, on parlera un peu plus tard dans l'émission aussi de d'autres meilleurs disques de l'année. Mais juste avant, ben, on va passer une petite pause. Et au retour, on a Anton Roulard, qui est un guitariste qui est d'origine hollandaise, mais que sa famille a déménagé en fait aux États-Unis alors qu'il était jeune. Il a étudié au conservatoire en guitare. Un excellent guitariste. Son second album, The Plight of Lady Ona,

Alors, le guitariste américain Anton Roulard est tiré de son plus récent album, The Plight of Lady Ona. Ça vient tout juste de paraître. C'est son second disque, son plein album. Et c'était la pièce The Plight of Lady Ona. Et comme vous avez pu le constater, il y avait Annie Haslam, la chanteuse de Renaissance, qui faisait une superbe voix dans ça, dans cette pièce-là. Alors, un excellent album que ce Anton Roulard, que je connaissais pas, franchement, c'est une belle découverte. On va poursuivre en musique avec un des albums qui a été considéré comme étant un des meilleurs albums en 2013 de Psychedelic Ensemble, un autre groupe américain. C'est tiré leur plus récent album, The Tale of the Golden Kings. On aura la pièce de Queen of Sorrow. Et ça suivra de Peter Hamill, qui vient tout juste de faire paraître un nouvel album intitulé All That Might Have Been. C'est présenté dans un coffret. Il y a la version simple, mais aussi un coffret donc avec trois disques. Alors, c'est des versions différentes du même album et des expérimentations pour ce nouveau travail. Un album assez ambiant. Alors, on y va tout de suite donc avec The Psychedelic Ensemble et Peter Hamill. Thank you.

time has come for me to face what's true. Pretty foolproof plan. corner like the tides got warped. And the chain of logic's come unglued. Whistling in the dark, he goes to pieces. He never thought the whole thing through. He never thought the whole thing through. He never thought the whole Alors, c'était Peter Hamill, son nouveau disque « All That Might Have Been », c'était la pièce « The Whole Thing Through ». Et c'est un concept, c'est un album qui se présente en fait comme une pièce cinématographique de 45 minutes environ, sur le premier CD, intitulé « Ciné ». Le second CD, c'est « Songs ». Alors, on a entendu un extrait de « Songs ». Qui, oh là, il y a 10 chansons qui sont plus définies comme 10 chansons. Et il y a un troisième disque intitulé Rétro qui présente une musique instrumentale qui était le travail avant de réaliser en fait ces deux versions de l'album. Alors, en exclusivité sur la radio de Québec, Peter Hamill, Yoc à Terra Incognita, qu'on écoute ça, hein? Alors, et juste avant, il y avait eu de Psychedelic Ensemble, The Tale of the Golden King. Alors, on y va en pause et au retour, on a un autre des bons disques de 2014, Entity de l'Italie. Mais on va aller en pause puis je vous en reparle au retour. Cette soirée vous est présentée par La Barberie. Hi. Après un retour réussi l'an dernier, la Ligue d'improvisation musicale de Québec bat son plein pour la saison 2014-2015. Regroupant de talentueux musiciens issus de la scène musicale de la Ville de Québec, des matchs mensuels sont présentés au Cercle. Le 1er décembre, les Bleus rencontrent les Rouges. Pour plus d'informations, la constitution des équipes, des tirages et bien plus, retrouvez-nous sur Facebook. C'est KRL. Alors, de retour avec Bruno et Marc à l'émission Terra Incognita. Il nous reste une dernière demi-heure de bonne musique à partager avec vous. On ira d'abord avec le groupe italien, donc Entity, Il Falso Centro. C'est un nouveau groupe italien. Il y a d'excellentes pièces sur ça, là, une bonne voix, des bons claviers, des bonnes guitares, tout est bon. La pièce Hunt. Et un autre de mes coups de cœur de cette année, c'est Resistor, l'album To the Stars. Un autre groupe américain, franchement, il y a plein de bonnes musiques américaines. Et on écoutera To the Stars. Et ensuite, pour faire une transition, je vous le dis tout de suite, une transition avec l'autoroute, avec Stéphane Villeneuve. Stéphane, on sait que c'est un amateur de Pink Floyd. Ben, on va mettre une pièce du nouveau Pink Floyd pour faire la transition. C'est la pièce It's What We Do. Puis je trouve que le titre de la pièce sur Endless River, leur plus récent album, donc un album instrumental pour la plupart, là, sauf une des pièces là, qu'on vous avait présentées en primaire, Louder Than Words, avant la sortie de l'émission, avant la sortie de l'album, en fait. C'est un 45 tours ou un EP qui est sorti 2 semaines, je crois, avant la date officielle pour The Endless River. Et It's What We Do, ouais, c'est ça. Donc, c'est vraiment dans les eaux des sons de clavier de Shine On You Crazy Diamond, l'excellente pièce sur Wish You Were Here. Donc, ça fera une belle transition. Stéphane sera content, il sera dans l'ambiance quand il arrivera à son émission. Donc, on y va avec un paquet de bonne musique. Donc, Entity, ensuite Resistor et finalement Pink Floyd. Ciò che io voglio e vedo ciò che io di te voglio, sei che ho di te, e non mi bastano i tuoi sguardi, perché non so quel che tu pensi. Salverei da questo. centro di me, io sono tuo. Ti ho aspettato come nulla. Ma non so to the stars from the earthbound dreamer who we are.

C'est sur la musique de Pink Floyd que se termine l'émission Terra Incognita en ce 29 novembre 2014. Ça fait drôle de dire ça, hein? Pink Floyd, quand même, ça fait tellement d'années que ça s'était terminé. Alors, The Endless River, leur plus récent album, et la pièce It's What We Do. Alors, juste avant, il y avait eu Resistor, To The Stars et Entity. Alors, on vous souhaite une bonne semaine et restez des nôtres pour l'autoroute avec Stéphane Villeneuve dans quelques instants. Téléchargez Terra Incognita sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous à son podcast sur iTunes. Cette soirée vous a été présentée par La Barberie. Hi. Dix bières bouteilles, huit bières en fût. Un service casque et un Randall. La Barberie vous propose ses bières et tapas, les bières fromage, les dimanches stout et les mardis apportez vos vinyles et encore plus. La Barberie, 310 rue Saint-Roch, suivez-nous sur Facebook. Chanson mystère. Ouvrez bien les oreilles, vous allez écouter dans un instant un court extrait de notre chanson mystère de la semaine. Préparez-vous. Samedi soir, on fait pas de pouce longtemps. Non, enfin, il y en a